Quiberon, 22h45, 28 décembre 2017. La nuit est noire. J'arrive sur la plage. Premier pas depuis longtemps. Je pense image. Comment une image de cet instant pourrait te dire la sensation de mes pieds chaussés sur le sable humide, fréquenté. Un coussin, une douceur. Le souvenir de la sensation pieds nus et le plaisir d'y renoncer en attendant l'été. Je pense à toi. J'ai vu la mer. Plusieurs fois, je m'arrête. Je sais que ça va être difficile d'aller vers l'immensité noire qui s'avance vers moi et vers laquelle j'avance lentement. Je regarde mes pieds. Je pense à toi.